والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Le premier point concernera الصيام, le jeûne. Premièrement, الصيام لغة. Que signifie le jeûne dans la langue arabe? الصيام لغة هو الإمساك. Le jeûne dans la langue arabe signifie l'abstention, la retenue. C'est le fait de s'abstenir, c'est le fait de se retenir face à une action. Dans Sourate Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Faquli, ou plutôt Faquli, inni nadartu lirrahmani sawma, falan ukallima al-yawma insiya. Dans le noble Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Maryam, nous mentionne un verset où il y a le sens du terme as-siyam dans la langue arabe. Lorsqu'il nous dit fakuli washrabi wa qarri ayna fa imma tarayna min al-bashari ahadan fakuli inni nadartu lir-rahmani sawma inni nadartu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى صوما عن أي صمتا عن الكلام أي صمتا عن الكلام. Dans sourate Maryam, le verset 26, mange donc et bois de ce qu'on et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. J'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc à aucun être humain. J'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Les savants du tafsir, les exégètes du Coran et l'image du grand savant parmi Ibn Jarir al-Tabari, de l'imam parmi Ibn Jarir al-Tabari nous dit, cela signifie Samtan anil kalam, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux, c'est-à-dire de m'abstenir de parler. De m'abstenir de parler. Pour preuve la suite du verset. Pour preuve la suite du verset, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Quant au jeûne, dans la religion, هو التعبد لله تعالى من شخص مخصوص بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. Le jeûne dans la religion, c'est une adoration avouée à Allah le Très-Haut, qui est accomplie par une personne réunissant des caractéristiques particulières qui consistent à s'abstenir de tout ce qui rompt le jeûne et l'annule, et cela de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire du fajr jusqu'au maghrib. Dans cette définition, at-ta'abbudu lillah, c'est une adoration. As-siyam, c'est une adoration. Cette action permet au serviteur de se rapprocher de son Seigneur et d'acheminer vers lui. Min sharsin marsos, accompli par une personne particulière. On étudiera que c'est celle qui réunit les conditions d'authenticité. C'est la personne responsable. Cette adoration consiste à s'abstenir de faire ce qui annule le jeûne, comme le fait de manger, de boire et d'avoir des relations avec l'épouse. Et cela, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Ainsi, dans cette définition, nous avons la nature de l'action, qui est l'adoration. C'est une adoration. Ainsi, celui qui s'abstient de manger et de boire, par exemple, mais dont le but est la perte de poids, celui-ci n'aura pas été jeûneur dans la religion. Certes, il se sera abstenu, mais il ne sera pas considéré comme un jeûneur en islam. Le deuxième point de la définition, min shakhsin mahsous, c'est le jeûne qui est accompli par une personne particulière, celle qui réunit les caractéristiques d'authenticité. Le fait d'être, par exemple, musulman, le fait d'avoir atteint l'âge du discernement, le fait d'avoir la raison, et d'autres points qu'on mentionnera, inshallah ta'ala, demain. Puis on nous décrit l'action. Après avoir décrit la personne, l'acteur, on nous décrit l'action. Le jeûne consiste à s'abstenir de faire certaines choses. Le jeûne consiste à s'abstenir de faire certaines choses. Et on étudiera, inshallah ta'ala, quelles sont les choses qui annulent le jeûne, ce qu'on appelle al-mufattirat ou mufsidat ou sawm. Les choses qui annulent le jeûne. Le quatrième point est le temps dans lequel a lieu cette retenue, cette action, qui est un délaissement. Cela a lieu du fajr, de l'aube, jusqu'au maghrib, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au coucher du soleil. Pas la disparition des lueurs, mais simplement le coucher du disque solaire. Voici la définition du jeûne en islam. Voici la définition du jeûne en islam. Ainsi, si une personne s'abstient, mais jusqu'au dhahr, pas jusqu'au maghrib, jusqu'au asr, pas jusqu'au maghrib, on ne dira pas d'elle qu'elle a jeûné aujourd'hui. Pour que le jeûne soit valable, il faut qu'il soit accompli au minimum jusqu'au coucher du soleil. Deuxièmement, hukm siyam shahr ramadan. Quel est le jugement de jeûner le mois de Ramadan? Huwa fard bi dalil al-kitab wa sunnati wal ijma'. C'est une obligation. C'est une obligation comme le prouve le Coran, comme le prouve la Sunna, c'est-à-dire la tradition prophétique, et finalement le ijma', le consensus. Il n'y a aucune divergence quant à son obligation. Dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on trouve dans Surat al-Baqarah, Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne tout comme il l'a été aux générations avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il nous a prescrit le jeûne, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan. Et ici, kutiba signifie furida, comme on le trouve dans le tafsir, l'imam al-Tabari et autres. Ou vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, c'est-à-dire il vous a été rendu obligatoire. Il nous a été rendu obligatoire. On a également, toujours dans Surat al-Baqarah, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Désormais, quiconque témoignera du mois qu'il le jeûne, quiconque verra l'apparition de la nouvelle lune qui montre le mois de Ramadan ou, dans le cas contraire, aura complété 30 jours le mois de Sha'ban, donc il sera forcément dans le mois de Ramadan, qu'il le jeûne. C'est une obligation. C'est un ordre d'Allah. Cela nous montre l'obligation. Également, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bédouin décoiffé, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, « Ya Rasulallah, informe-moi de ce qu'Allah m'a prescrit. Informe-moi de ce qu'Allah m'a prescrit comme jeûne. » Il lui a dit le mois de Ramadan. L'homme lui a dit, dois-je faire autre chose que cela? Il lui a dit non, sauf si tu le veux volontairement. sauf si tu veux ajouter des actions recommandées. Le prophète, alors l'homme a dit, Mada, au final, je n'ajouterai rien à cela. Le prophète sallam a annoncé que cet homme-là réussira ou entrera au paradis s'il est véridique. De ce hadith-là, les savants ont tiré que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Troisièmement, quant au ijma, quant au consensus, il n'y a aucune divergence à son sujet. Troisièmement, manzilatu min ad-din. Quelle est la place du jeûne du mois de Ramadan dans la religion? Après avoir su que c'était une obligation, sachez que le jeûne du mois de Ramadan, huwa ruknu rabi' min arkan al-islam wa mabanihi al-'idham. Le jeûne du mois de Ramadan a la plus haute importance en islam. C'est une adoration qui a une grande place dans notre religion. Une grande place chez Allah subhanahu wa ta'ala, donc auprès de ses serviteurs pieux, pareil également. Dans le hadith de Abdullah ibn Omar, on apprend que le jeûne du mois de Ramadan est un pilier de l'islam. Un pilier de l'islam. On doit donc énormément considérer cette adoration et ne pas la considérer comme étant secondaire ou que peu insignifiante. Non, l'adoration de manière générale, c'est la chose la plus grande, la plus importante. Mais l'adoration qui entre dans les piliers de l'islam, c'est l'adoration sur laquelle repose toute la religion. Abdullah ibn Omar rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Bouni al-islam wa ala khams ». L'islam repose sur cinq, c'est-à-dire cinq grandes fondations ou cinq grands fondements, cinq piliers. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad al-Rasulullah wa iqami salati wa ita'i zaka wa hajj al-bayti wa sawmi ramadhan. Wa fi riwaya, sawmi ramadhan, qabla al-hajj. L'islam repose sur cinq. Attester qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, jeûner Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Dans une version, on a inversé l'ordre des deux derniers piliers. Quoi qu'il en soit, le jeûne du mois de Ramadan est un pilier de l'islam. On doit donc le considérer au plus haut point. Quatrièmement, mata furida ala al-muslimin. En quelle année a été légiféré ou rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan? Il a été rendu obligatoire en l'an 2 après l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. Après l'égir du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Madina. L'égir, Al-Hijra, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam a quitté la Mecque vers Al-Madina. A quitté la Mecque vers Al-Madina après avoir passé plus de 13 ans en tant que prophète à la Mecque. Plus de 13 ans après donc la révélation, le début de la révélation. Donc en l'an 2 après l'égir, le jeûne du mois de Ramadan a été rendu obligatoire aux musulmans. Et il n'y a aucune, ou bien a été légiféré, il n'y a aucune divergence à ce sujet-là. Ainsi, combien de jeûnes a jeûné le mois de Ramadan, le prophète sallam? Combien de jeûnes a jeûné le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a jeûné, et il y a le consensus à ce sujet, donc sans aucune divergence, il a jeûné 9 Ramadanat. Il a jeûné 9 Ramadanat, sans aucune divergence. Sachez que dans un premier temps, lorsque le jeûne du mois de Ramadan a été rendu ou a été prescrit, il a été prescrit en donnant le choix aux croyants. C'est-à-dire, soit il jeûnait les jours de Ramadan, soit s'ils optaient pour le fait de ne pas jeûner, ils avaient le droit, mais à la place, ils devaient nourrir un pauvre. À la place, ils devraient ou ils devaient nourrir un pauvre. Nourrir un pauvre. Puis, plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé ce choix et c'est devenu une obligation sans le choix entre jeûner et nourrir. Sans avoir le choix entre jeûner et nourrir. Le fait de nourrir est désormais pour la personne qui n'a plus la capacité de jeûner ou la personne qui n'a plus la capacité de jeûner par rapport à son âge âgé ou par rapport à une maladie de longue durée dont on n'espère plus la guérison. Et cela a été abrogé par le verset « Faman shahida minkum ash-shahra falyasum » Désormais, celui qui témoigne du nouveau mois, qu'il le jeûne. Celui qui témoigne du nouveau mois, qu'il le jeûne. À partir de là, les gens n'avaient plus le choix entre jeûner et nourrir un pauvre. Et la sagesse de cela, de commencer l'obligation du jeûne avec le choix, puis de l'abroger, est la douceur envers les croyants et la facilité et le fait d'avancer petit à petit dans les ordres. Parce que d'ordonner le jeûne du mois de Ramadan comme on le connaît aujourd'hui, d'un coup, aurait été bien plus lourd, sans aucun doute, pour les croyants. Mais le fait de les amener graduellement à ce niveau de perfection dans le jeûne, c'est plus facile et c'est plus facile à accepter. Et c'est plus facile à prendre du plaisir dans l'adoration. Car l'adoration, pour celui qui a goûté la réalité de l'adoration, il sait qu'elle n'est pas là pour qu'on subisse, mais plutôt pour qu'on prenne le plaisir de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'éduquer son âme. D'éduquer son âme. Et cela a été fait non seulement pour le mois de Ramadan, mais pour d'autres ordres et interdits comme l'interdiction de l'alcool, par exemple. Comme l'interdiction de l'alcool, par exemple, ça a été interdit petit à petit. Ça a été interdit petit à petit. Parmi les choses qui ont été faites graduellement, il y a aussi l'heure de la permission du repas. Dans un premier temps, ils avaient la permission au coucher du soleil de manger et de boire, mais ils n'avaient pas la permission d'avoir des rapports avec leurs épouses. Plus tard, on a abrogé cette interdiction et les gens ont eu la permission de commercer avec leurs épouses du coucher du soleil au Fajr. Ça, c'est un autre jugement qui a été modifié. Un troisième jugement qui a été modifié, c'est que dans un premier temps, une fois le coucher du soleil arrivé, ils avaient le droit de manger et de boire, ainsi de suite. Mais si la personne s'endormait, elle n'avait plus le droit à ce qui annule le jeûne, et cela jusqu'au lendemain au Maghrib. Puis ça a été abrogé. L'histoire dit qu'un compagnon s'est endormi en rentrant du travail. Son épouse a eu pitié de lui, car elle a su qu'il n'allait pas pouvoir manger ni boire et qu'il retournerait le lendemain, inshallah, si Allah le permet, au travail. Chose qui s'est passée. Et il s'est évanoui. Il n'avait pas mangé, il n'avait pas bu, il s'est évanoui le lendemain. Puis Allah Azza wa Jal a facilité, leur a permis de manger et de boire jusqu'au matin. Ou plutôt jusqu'au Fajr, jusqu'à l'aube. Jusqu'à l'aube. Barakallahu fikum. Tous ces détails, nous les trouvons dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Baqarah et nous les trouvons également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans Surat al-Baqarah, de nombreux versets traitent du jeûne. De nombreux versets traitent du jeûne du mois de Ramadan. Si vous prenez les versets à partir des. Yani après les versets 180, il y a plusieurs passages à ce sujet. Le verset 187 à titre d'exemple, Allah nous dit Uhilla lakum laylata siyami rafathu ila nisaikum. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Donc par ce verset, Allah Azza wa Jalla a permis aux compagnons et à la communauté par la suite d'approcher les épouses, puis il a indiqué de quel moment à quel moment il y a la permission. On nous dit littéralement dans le verset « Et mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil noir, c'est-à-dire la nuit de l'aube, jusqu'à être sûr d'être rentré dans le temps du Fajr. » Donc la nourriture, la boisson, l'épouse et autres permissions sont effective jusqu'à ce moment-là. Puis on nous dit ثم أتموا الصيام إلى الليل, puis poursuivez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. Dans ce verset, il y a le résumé de toutes les règles qu'on a mentionnées, c'est-à-dire la définition du jeûne, le temps du jeûne, en quoi consiste le jeûne, s'abstenir de manger, de boire, d'approcher les épouses et d'autres choses. وَهَكَذَا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Donc on voit que cette religion est une religion de mansuétude. Et que lorsqu'il y a une difficulté, Allah Azza wa Jal l'enlève pour la communauté. Falhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi. L'action est facile et la récompense est incommensurable. Cinquièmement, ma hiya anwa'u siyam. Quelles sont les différentes sortes de jeûnes? Les jeûnes, ces différents types de jeûnes comprennent les différents types de jugements. Parmi les jugements religieux, il y a « el-muharram », l'interdiction ou l'interdit. L'interdit. Il y a « el-wajib », il y a l'obligation. Il y a « el-mandoub », le recommandé, le mustahab. Il y a « el-makruh », la chose qui est détestable. Et il y a « el-mubah », c'est la chose qui est permise. Commençons par « el-wajib », l'obligation. L'obligation, c'est la chose qu'on t'ordonne dans la religion. Sans te laisser le choix. Mais on te dit plutôt, si tu accomplis cette obligation pour Allah, en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu seras récompensé. Dans le cas contraire, tu mériteras, tu auras un péché, tu mériteras une punition chez Allah. S'il veut, il te pardonne, s'il veut, il te châtie. Tant que c'est péché en dessous du shirk. Le mot haram, c'est le contraire. On t'a interdit cette chose de manière ferme. Puis si la personne commet cette interdiction, elle a un péché. Elle mérite une punition chez Allah. Si Allah veut, il lui pardonne. S'il veut, il la châtie. Naam. Puis nous avons el-mandoub, ce qui est recommandé. L'islam t'ordonne, mais te laisse le choix. Si tu le fais pour Allah, tu es récompensé. Si tu le délaisses, tu n'as pas de péché. Et el-makruh, c'est le contraire de cela. El-mubah, c'est ce qui est égal dans l'action, le délaissement. Comme le fait de boire de l'eau, comme le fait de marcher. Il n'y a pas de récompense, mais il n'y a pas de péché non plus. Après avoir compris cela, ce qu'on appelle l'ahkam al-taklifiyya, el-wajib, c'est l'obligation, el-mandoub, c'est ce qui est recommandé, el-muharram, c'est ce qui est interdit, Al-makruh, c'est ce qui est détestable, et al-mubah, c'est ce qui est permis. Voyons les différents types de jeûne. Premièrement, al-wajib, le jeûne qui est obligatoire. Ça comprend trois choses. Le jeûne qui est obligatoire, il y en a trois. Le premier, ma awjab Allahu azza wa jal, wa huwa Ramadan. Le deuxième, ma awjab al-insanu ala nafsi, wa huwa an-nadhr. Le troisième, ma wajab al-ta'yin sababi. Ma wajab al-ta'yin sababi. Donc le premier jeûne obligatoire, c'est le jeûne du mois de Ramadan. C'est ce qu'Allah nous a rendu obligatoire. C'est le plus important. C'est le plus important. Tu as gagné le paradis. L'expiation des péchés. Le fait d'entrer par la porte du paradis al-Rayyan, avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et beaucoup d'autres mérites qu'on mentionnera, Inch'Allah Ta'ala. Le deuxième type de jeûne obligatoire, c'est ce que l'homme, c'est ce que la personne s'est rendue obligatoire à elle-même. C'est lorsqu'elle fait ce qu'on appelle un nadr, un vœu, un serment. Elle fait le vœu de jeûner tel jour. Ça devient pour elle obligatoire. Troisièmement, ce qui devient obligatoire par élimination. C'est-à-dire que la personne doit s'acquitter d'une expiation et on lui donne le choix dans un ordre. Comme celui qui jure pour une chose. Puis il jure de ne pas faire une chose et ensuite il ne respecte pas sa parole. Il doit faire ce qu'on appelle le kafara, l'expiation. Il doit faire l'expiation. Il ne peut pas affranchir un pauvre, il ne peut pas affranchir un esclave, il ne peut pas nourrir 10 pauvres, ni vêtir 10 pauvres. Il lui reste que le jeûne de 3 jours. Donc là, ça lui devient obligatoire parce qu'il n'a pas d'autre éventualité. Passons maintenant au jeûne qui est mustahab mandou, qui est recommandé. Le jeûne qui est recommandé, comme le fait de jeûner le lundi et le jeudi, comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam, comme le fait de jeûner 3 jours par mois, comme le fait de jeûner les 3 jours de pleine lune, comme le fait de jeûner, pour celui qui n'est pas au pèlerinage, le jour de Arafah, qu'Allah nous permette d'accomplir le Hajj dans de bonnes conditions, ou qu'il nous accorde l'endurance, si c'est mieux pour nous, afin de l'accomplir l'année suivante. Le jeûne jour de Ashura, avec un jour avec. Tous ces jeûnes-là sont appelés mustahab, mandoub, recommandés. Le fait de jeûner la plupart du mois de Sha'ban, c'est recommandé. Troisièmement, le jeûne qui est muharram, qui est interdit. Celui qui jeûne ce jour-là, même si c'est pour se rapprocher d'Allah, il prend des péchés. C'est le jeûne des jours de Eid. C'est interdit en islam de jeûner le jour du Eid. C'est interdit de jeûner le jour du Eid. Il y a 2 Eid en islam. Il y a Eid al-Fitr, celui qui marque la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Il dure 1 jour. Dès le lendemain, nous avons le droit de jeûner. Puis il y a le 10e jour du mois de Dhul Hijjah, il y a l'Eid ou l'Adha. L'Eid al-Adha. Et là, le Eid, c'est le 10e jour, mais il y a aussi Ayyam al-Tashriq. Et les 3 jours qui suivent sont des jours également qu'on peut qualifier de fête. Donc ces 4 jours-là, on n'a pas le droit de jeûner. Car le prophète sallam nous dit que ce sont des jours où on mange, où on boit, où on évoque Allah. Donc on ne doit pas jeûner. Ces jeûnes-là, ces jours de jeûne seraient interdits, seraient des péchés, et non pas un rapprochement de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Quatrièmement, le jeûne qui est makruh, qui est détestable. À titre d'exemple, le jeûne du voyageur dont le jeûne lui cause difficulté. Il jeûne en voyage et c'est difficile pour lui. C'est difficile pour lui. Ce qui est bon ici, c'est de rompre le jeûne et de rattraper plus tard. Mais lui, il décide quand même de jeûner malgré la réelle difficulté. C'est détestable parce qu'Allah lui a donné une permission et il ne l'a pas adoptée, ne l'a pas saisie, cette facilité. Donc cela est détestable. Un autre exemple, le fait de jeûner le jour de Arafat pour celui qui se trouve au pèlerinage. Pour celui qui est au pèlerinage, donc à Arafat, le fait de jeûner ce jour-là, c'est détestable. Il y a également le fait de jeûner le vendredi sans jeûner avant avec le jeudi ou jeûner après avec le samedi. Donc jeûner le vendredi tout seul, c'est détestable. Mais de le jeûner avec le jeudi, ça n'est pas détestable. Ou de le jeûner avec le samedi, ça n'est pas détestable. Donc voici quelques exemples de jeûnes détestables. Certains savants disent même qu'il y a un jeûne qui est moubah. C'est-à-dire, ni c'est obligatoire, ni c'est interdit. Ni c'est recommandé, ni détestable. C'est égal. Il donne pour exemple le jeûne du 30e jour de Sha'ban si le ciel n'est pas dégagé et qu'on n'a pas eu la capacité de rechercher la lune ou de la voir dans le cas où elle aurait été présente, la nouvelle lune. Certains disent que le jugement de jeûner ce jour-là, qui correspond à un jour de doute, c'est moubah, c'est permis. On ne parle pas de l'authenticité de cet avis ou non, mais juste pour citer un exemple. Juste pour citer un exemple. Bien que cet avis ait été mentionné par certains parmi les grands savants, comme Ibn Qayyim rahimahullah dans Zadul Ma'ad. Et quel est le jeûne, après avoir mentionné tout cela, qui est le plus important? C'est le jeûne du mois de Ramadan. C'est le jeûne du mois de Ramadan. C'est le plus important. C'est celui qui a la plus grande place chez Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui doit avoir la plus grande place auprès de nous. Celui pour lequel on doit au mieux se préparer, durant lequel on doit faire le plus d'efforts possible et espérer la plus grande récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa nas'alullaha al-jawad al-karim al-barr al-rahim min fadlih. Sixièmement, hikmatu siyami Ramadan wa fardiyati. Quelle est la sagesse pour laquelle on jeûne le mois de Ramadan? Pourquoi est-ce qu'on nous a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan? Ça, c'est une question très importante. Le musulman doit s'interroger sur cela. Le musulman doit s'interroger sur la sagesse du jeûne du mois de Ramadan. Et la réponse, on la trouve dans le Coran. La réponse, on la trouve dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, tout comme il l'avait été à ceux qui a été avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc la sagesse du jeûne du mois de Ramadan. La raison pour laquelle on nous a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan, c'est de devenir pieux. C'est être taqwa. C'est l'acheminement vers la piété. La piété étant de faire ce qu'Allah nous a ordonné, de délaisser ce qu'il nous a interdit. Faire ce qu'Allah nous a ordonné, délaisser ce qu'il nous a interdit. Donc c'est ça le but et la sagesse. C'est pour cela qu'Allah Azzawajal nous a rendu obligatoire le jeûne du mois de Ramadan. C'est pas pour subir la faim, subir la soif, non. Il faut donc enseigner aux musulmans pourquoi est-ce qu'ils jeûnent. Quel est le but du jeûne? C'est un point très important. C'est un point très important qui va bouleverser la compréhension de la religion de la personne, qui va affecter le comportement de la personne dans son jour de Ramadan, dans sa nuit de Ramadan. Donc, c'est d'atteindre la piété. C'est d'atteindre la piété, comme Allah Azzawajal nous le mentionne dans ce verset. Pour qu'on devienne pieux, pour qu'on craigne Allah Azzawajal. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit « Amma saum fanahika bihi min ibadah » تكف النفس عن شهواتها وتخرجها عن شبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين. ابن القيم رحمه الله تعالى nous dit quant au jeûne, que dire de cette grande adoration qui retient ton âme face à ses passions et qui la fait sortir de la ressemblance d'avec les bestiaux à la ressemblance d'avec les anges rapprochés. Les animaux n'ont pas la raison, mais ils ont des passions. Les anges, eux, ne penchent pas vers les désirs, vers les péchés. Et ne font qu'obéir Allah Azza wa Jal sans lassitude. Et Ibn Adam est entre les deux. Il a un penchant vers le bien, il a également un penchant vers le mal. Et il a la raison. Donc tout comme les animaux, il a des désirs qu'il souhaite assouvir. Tout comme les anges, il peut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et être dans son adoration. Lorsqu'il jeûne, il se rapproche de l'état des jeûnes. Il se rapproche de l'état des anges. Il se rapproche de l'état des anges. Le grand savant Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit dans ce passage du Coran, ou pour commenter ce passage du Coran dans son tafsir, que ça concrétise des points de la piété. Le fait de jeûner, ça permet d'atteindre la piété sous différentes formes. Il dit As-sa'im yatruku ma harrama Allahu alayhi min al-akli wash-shurbi wal-jima' wa nahwiha allati tamilu ilayha nafsuhu mutaqarriban bidhalika ila Allah rajiyan bitarkiha thawaba fa hadha min at-taqwa. Le jeûneur délaisse ce qu'Allah lui a interdit comme boisson, comme nourriture, comme rapports intimes et choses semblables. Ces choses vers lesquelles l'âme de la personne penche. Et ce délaissement a lieu en cherchant à se rapprocher d'Allah, en espérant sa récompense par ce délaissement-là. Et cela est at-taqwa. Cela fait partie de la piété. Faire ce qu'Allah nous a ordonné, délaisser ce qui nous a interdit, c'est ça la piété. Il nous cite un autre point. Anna sa'ima يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فاترك ما تهوى نفسه ومع قدرتي عليه لعلمي باطلاع الله عليه. Un autre point de piété concrétisé dans le jeûne ou par le jeûne, c'est que le jeûneur entraîne sa personne à ressentir la surveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'habitue à cela. Allah Azza wa Jal me voit, Allah Azza wa Jal me surveille, je dois faire attention à mes actions, à mes paroles, à l'état de mon cœur. Ainsi, il délaisse les désirs de l'âme, malgré la capacité à les assouvir, malgré sa capacité à les assouvir, de par la science qu'il a de la surveillance d'Allah sur sa personne. Donc c'est une école, le jeûne du mois de Ramadan, c'est une école. Comme on l'étudiera, Inch'Allah, c'est une madrasa. C'est une école. Ici, on étudie, on apprend à ressentir constamment la surveillance d'Allah Azzawajal sur nos personnes. Allah nous voit, Allah nous entend, Allah nous surveille. Rien de nous ne lui est caché. Il mentionne aussi Anna sa'ima fil ghalib takthuru ta'atu. Le jeûneur en général fait beaucoup d'actes d'obéissance. Wa ta'atu min khisal at-taqwa. Et les obéissances sont des parties intégrantes de la piété. Il mentionne encore d'autres choses. Je vais vous lire également une parole d'Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala relative à ce passage du Coran et cette sagesse du jeûne atteindre la piété. La'allakum tattaqun ay min ajli at-taqwa wa hadhi hiya al-hikmatu min ijab as-sawm yadullu ala hadha qawlu sallallahu alayhi wa sallam من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه لأن الله لم يريد أن يعذب العباد بترك ما يشتهون ويألفون ولكنه أراد أن يدع قول الزور والعمل به والجهل ابن عثيمين رحمه الله تعالى. Celui dont j'ai tiré beaucoup de ses paroles dans son charh de Zad al-Mumti' rahimahullah ta'ala, et c'est un éminent savant, un des plus grands faqih de notre époque, nous dit, c'est-à-dire que le but est la piété. Voici la sagesse du caractère obligatoire du jeûne du mois de Ramadan. Et parmi ceux qui prouvent cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son hadith, celui qui ne délaisse pas les mensonges et les mauvaises paroles ainsi que les mauvaises actions, Allah n'a que faire qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Ibn Uthaymeen dit, car Allah n'a pas voulu à travers cela châtier ses serviteurs, torturer ses serviteurs en leur faisant délaisser leurs désirs et leurs habitudes. Non, mais il a plutôt voulu à travers cela qu'ils délaissent les mauvaises paroles, les mauvaises actions et les transgressions. Le fait de ne pas se contenir. Donc voici une parole magnifique d'Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala qui nous montre la sagesse du jeûne, qui nous montre la sagesse du jeûne du mois de Ramadan. Il y a encore beaucoup de paroles de nos savants dans ce sens-là. On ajoutera également une parole du grand savant Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, puis on avance, incha'Allah ta'ala, dans le cours. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, dans son livre Al-Wabil As-Sayyib, c'est un livre sur l'invocation d'Allah, et il est traduit en français. Je vous le recommande. As-sa'imu huwa alladhi samat jawarihuhu anil atham, wa lisanu anil kadhibi wal fuhsh, وقول الزور وبطنه عن الطعام والشراب وفرجه عن الرفث فإن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه فيخرج كلامه كله نافعا صالحا وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك كذلك من جالس صائما انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم هذا هو الصوم المشروع لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب ففي الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه رواه البخاري. وفي الحديث رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش. فالصوم هو صوم الجوارح عن الآثام، وصوم البطن عن الشراب والطعام. فكما أن الطعام والشراب يقطعه ويفسده، فهكذا الآثام تقطع ثوابه وتفسد ثمرته، فتسيره بمنزلة من لم يصم. ابن القيم رحمه الله تعالى ندي Le jeûneur, c'est celui dont les membres se sont abstenus de commettre des péchés, dont la langue s'est abstenue du mensonge et des mauvaises paroles, dont le ventre s'est abstenu de la nourriture et de la boisson, dont la partie intime s'est abstenue des relations avec les femmes. Lorsqu'il parle, il ne parle pas en mentionnant ce qui affecte et entache son jeûne. Et lorsqu'il fait une chose, il ne fait pas ce qui affecte et entache son jeûne. L'ensemble de ses paroles sortent et sont profitables, sont bonnes et pieuses. Pareillement pour ses actions, il devient ainsi à l'image de la bonne odeur que tu sens lorsque tu prends place auprès du vendeur de parfum. Pareillement, celui qui prend place auprès du jeûneur, il tirera profit de son assise et sera à l'abri de ses mauvaises choses, à l'abri de son mensonge et de ses mauvaises actions, de ses mauvaises paroles, de l'injustice. Voici le jeûne légiféré. Voici le jeûne qu'Allah veut de nous. Ça n'est pas le simple fait de s'abstenir de manger et de boire. Et on trouve dans le hadith, celui qui ne délaisse pas la mauvaise parole ou le mensonge, ainsi que les mauvais actes, que les mauvaises actions et les transgressions, Allah n'a que faire de qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Et dans l'autre hadith, il se peut qu'un jeûneur n'ait comme part de son jeûne que la faim et la soif. Le jeûne, et donc le jeûne, c'est-à-dire l'abstention des membres de tout péché, du ventre, de toute boisson et nourriture, et tout comme celui qui mange et boit aura coupé son jeûne et l'aura affecté, de la même manière, celui qui, dans son jeûne, est dans les péchés, aura coupé sa récompense et aura entaché ses récompenses et sera à l'image de celui qui n'a même pas jeûné. Sa parole s'arrête ici. Rahimahullahu ta'ala. Donc, voici, Ikhwan al-Kiram, chers auditeurs, voici la sagesse du jeûne. Voici pourquoi est-ce qu'on jeûne. Atteindre la piété, se corriger, aller vers Allah, délaisser le mal, s'embellir de par le bien, chercher l'agrément d'Allah Azza wa Jal, s'élever en dégoût au paradis, se sauver de l'enfer. Le but du jeûne, c'est être taqwa. Qu'est-ce que être taqwa ? Être taqwa, en deux mots, faire ce qu'Allah nous a ordonné avec science, délaisser ce qu'il nous a... ce qu'Allah nous a ordonné avec science en recherchant sa récompense, en espérant sa récompense, et délaisser ce qu'Allah nous a interdit avec science, en craignant son châtiment. En craignant son châtiment, sa punition. Et il y a une grande sagesse dans la diversité des ordres d'Allah Azza wa Jal et des interdits. Des ordres d'Allah et des interdits. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit dans le Mumti'a, Allah tabaraka wa ta'ala a eu la plus grande sagesse, ou plutôt fait partie de la sagesse d'Allah Azza wa Jal, le fait d'avoir diversifié les adorations lorsqu'il a responsabilisé ses serviteurs, afin de voir qui est-ce qui est véritablement un serviteur soumis, qui fait selon ce qu'Allah lui demande de faire ou de délaisser. Est-ce qu'il va chercher à faire que ce qui est en conformité avec son caractère, ses habitudes, ou bien Est-ce qu'il va chercher à se conformer à la volonté d'Allah pour obtenir son agrément? Chercher à faire ce qu'agrée Allah Azza wa Jal. Donc c'est un test. Cette diversité dans les adorations, c'est un test. Et c'est une éducation. Une deuxième leçon, il y a dans la diversité des adorations, certaines adorations sont faites, et elles sont des adorations avec la gestuelle, avec les membres, qu'on appelle badaniya. D'autres sont maliya, d'autres sont purement pécuniaires, comme la zakat. Badaniya avec le corps, comme la prière. Comme la prière. Avec l'argent, comme la zakat. Et d'autres mêlent ces différentes sortes, comme le pèlerinage, comme le hajj. Il y a l'argent et en plus, le déplacement et l'effort. Ben dans cela également, il y a un test. Dans cela également, il y a un test. Pourquoi? Parce que certaines personnes trouvent également, trouvent énorme, yani vraiment facile, yani ont beaucoup de facilité dans la prière. Elles peuvent faire 1000 unités de prière sans se lasser. D'autres personnes, mais ces mêmes personnes-là souffrent énormément à sortir 1 euro en sadaqa, 1 euro de zakat, 1 euro pour faire la umra ou pour faire le hajj. Ce sont des personnes véritablement avares. Donc, elle a une facilité pour la prière, mais énormément de difficultés pour dépenser pour la cause d'Allah. A l'inverse, tu trouves celui qui donne énormément en aumône, mais pour poser son front par terre, c'est comme s'il y avait de la braise sur son tapis. Il n'arrive pas à prier. C'est très très lourd pour lui de prier, de mettre son front par terre. Ainsi, Allah Azza wa Jal a diversifié ses adorations pour voir qui est le véritable serviteur. Et Allah est le plus savant. Mais ainsi, on verra notre place auprès de lui. Et on aura la récompense selon ce test-là auprès de lui. Non pas qu'Allah ne sait pas avant ce test, mais il fait apparaître cela et il rattache la récompense à cela. Barakallahu fikum. D'un autre point de vue, il y a encore une diversité dans les types d'adoration qu'on peut également diviser en deux. Badlul mahboub et al-kaffu anil mahboub. Il y a des adorations qui demandent au serviteur de délaisser ce qu'il aime et d'autres adorations qui demandent au serviteur de dépenser de ce qu'il aime. De délaisser ce qu'il aime comme le jeûne du mois de Ramadan. De dépenser de ce qu'il aime comme as-sadaqat, comme as-zakat. Comme as-zakat. Naam. Comme le fait de sortir la zakat. Tout cela pour dire que cette diversité dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal amène à la servitude réelle du serviteur, amène à purifier l'âme du serviteur et l'amener à se soumettre réellement devant son Seigneur, à goûter réellement ce qu'est être un musulman, une musulmane, un serviteur soumis qui va selon la direction du Coran et de la Sunna, qui avance ou s'arrête selon l'injonction du Coran et de la sunna, et qui tire réellement profit de cette éducation qu'est l'école de l'adoration. Qu'est l'école de l'adoration. Ainsi, celui qui a de la facilité dans une chose, il remercie Allah, il parfait cela. Et celui qui a de la difficulté, qu'il sent une faiblesse dans la prière ou dans les aumônes et ainsi de suite, ben il se corrige. Il demande à Allah, il fait les causes, il étudie, il pose la question à ceux qui savent. Et il corrige sa personne, il s'éduque. Jusqu'à se rapprocher de la perfection. Jusqu'à se rapprocher de la perfection. Naam. Et toute personne qui emprunte le chemin du prophète alayhi salatu wassalam sera sur ses traces et sera avec celui qu'il a aimé. Celui qui est derrière les compagnons, même s'il n'arrive pas à les atteindre, l'essentiel c'est d'être sur leur chemin et de faire les efforts pour se rapprocher d'eux. Pour se rapprocher d'eux. Barakallahu fikum. Après avoir mentionné donc la sagesse du jeûne du mois de Ramadan, passons au septième point. Mata yajibu siyamu Ramadan. Le septième point, quand est-ce que nous avons l'obligation de jeûner le mois de Ramadan? Quels sont les signes qui marquent l'entrée du mois de Ramadan? Il y a deux signes. La religion nous enseigne, le Coran et la Sunna nous enseignent qu'il y a deux signes. Le premier signe, إِذَا رُوِيَ الْهِلَالِ, si nous voyons la nouvelle lune, nous sortons du mois de Sha'ban ou nous entrons dans le mois de Ramadan, à la vision, à l'apparition du nouveau croissant de lune, ou quartier de lune, nous avons l'obligation de jeûner le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرُ فَلْيَصُمُ » Quiconque témoignera du mois qu'il le jeûne, c'est-à-dire quiconque aura vu la nouvelle lune marquant l'entrée du mois de Ramadan, aura l'obligation de jeûner, de commencer le jeûne à l'aube de ce jour arrivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Soumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati » Jeûnez à sa vision. Ce hadith est rapporté par le Bukhari Muslim. Troisièmement, il y a le consensus des savants quant à tant qu'au commencement du mois de Ramadan, de par l'apparition et la vision de la nouvelle lune. Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala nous dit que cela soit à l'œil nu ou en s'aidant de moyens micros, comme des télescopes ou autres. Voici le premier moyen d'affirmation du nouveau mois. Le deuxième moyen, si on ne voit pas la nouvelle lune, alors on devra compléter le mois de Sha'ban jusqu'au 30e jour. Et le lendemain sera le premier jour du mois de Ramadan. Donc, ikmal ou Sha'ban, 30 yawma. Ça, c'est dans le cas où nous n'avons pas vu la nouvelle lune. Nous avons l'obligation de nous abstenir de commencer le jeûne et de laisser passer encore un jour, jusqu'à compléter 30 jours du mois de Sha'ban. Et ensuite, seulement, on commencera le jeûne le lendemain, à l'aube. Dans le cas où le ciel est complètement dégagé, il n'y a aucune divergence à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas la permission de jeûner ce jour et on doit compléter le mois de Sha'ban comme ayant 30 jours et considérer que Ramadan sera le surlendemain. Naam, sera le lendemain. Dans le cas où le ciel n'est pas dégagé, il y a du brouillard ou autre, une tempête de sable ou autre, quelle que soit la cause, et que la vision de la nouvelle lune n'est pas possible, dans ce cas-là, il faut quand même laisser 30 jours passer. Mais il y a une divergence. Si le ciel est dégagé, il n'y a aucune divergence. Si le ciel n'est pas dégagé, il y a une divergence, mais l'avis prépondérant, comme l'a expliqué l'imam Ibn Baz et beaucoup d'autres grands imams et savants de l'islam, rahmatullahi alayhim, dans ce cas-là, il faut également laisser passer 30 jours. Pourquoi ? Ceci est l'avis de la plupart de Jumhur al-Ulama. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La taqaddamu Ramadan vi siyami yaumin » ne précédez pas le jeûne de Ramadan par le jeûne d'un jour au yawmain ou de deux jours. Et celui qui jeûne le jour du doute aura jeûné un jour avant Ramadan. Donc, ici le Prophète nous interdit de faire cela. Deuxièmement, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumma alaykum » فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا. L'imam al-Bukhari nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jeûnez à sa vision, c'est-à-dire la lune. Wa aftiru à sa vision. Wa aftiru li ru'yati. Et rompez à sa vision. C'est-à-dire la vision de la nouvelle lune du mois de Shawwal. Fa in ruma alaykum, si elle vous est cachée, fa akmilu 'iddat Sha'ban 30 yawman. Complétez le nombre des jours de Sha'ban jusqu'au 30e jour. Jusqu'au 30e jour. Dans la version, dans un hadith de l'imam muslim, fa akmilu 'iddat 30, complétez les jours jusqu'au 30e. C'est pour cela que l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit yahrumu siyama ou na'am yawm al-thalathin. Il nous est interdit de jeûner le 30e jour idha lam nara al-hilal, si nous n'avons pas vu la nouvelle lune. Quant à ce qu'a fait Abdullah ibn Omar, lorsqu'il y avait un ciel non dégagé, il jeûnait le jour du doute. Ibn Baz nous dit « Hada ijtihadun min ». Ibn Baz nous dit que cette action est un effort d'interprétation de Abdullah ibn Omar. Un effort d'interprétation de Abdullah ibn Omar. Et que ce n'est pas l'avis le plus en conformité avec les textes. Et d'autres savants ajoutent « Wa khalafahu ibn Abbas ». Ajoutez à cela que Abdullah ibn Abbas a contredit Abdullah ibn Omar dans son effort d'interprétation. Car il disait « Ajibtu mimman yataqaddamu al-shahra wa qad qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha ra'aytum al-hilal fasum wa idha ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma alaykum fakmilu 'iddat al-thalathin. » Ibn al-Nasa'i nous rapporte que Abdullah ibn Abbas disait « Je m'étonne de ceux qui jeûnent avant l'entrée du mois de Ramadan. » Alors que le prophète a dit « Jeûnez à la vision de la nouvelle lune et rompez à la vision de la nouvelle lune. Et si elle vous est cachée, complétez les jours jusqu'au 30e. » Jusqu'au 30e. Ajoutez à cela l'histoire de, ou bien le hadith de Abdullah ibn Abbas. Le hadith de Abdullah ibn Abbas. Ce dernier blâmait, donc ça, il est mawquf à sa parole. Mohammed ibn Zubayr nous dit que Abdullah ibn Abbas blâmait ceux qui jeûnaient avant la certitude de l'entrée du mois de Ramadan. C'est-à-dire tant qu'on n'avait pas vu la nouvelle lune. Ceci est rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Le 8e point. Quelles sont les conditions les caractéristiques qui devront être réunies chez celui qui vient témoigner de la vision de la nouvelle lune? Est-ce qu'on accepte de toute personne? Non. Mais il y a des conditions. Il faut qu'il soit musulman. Nous n'acceptons pas le témoignage s'il n'est pas musulman. Il faut qu'il soit baligh. Il faut qu'il soit pubère. Troisièmement, il faut qu'il soit adl ou bien thiqa. Il faut qu'il soit fiable, que soit une personne fiable. Quatrièmement, il faut qu'elle ait une bonne vue. Qawi ul basar. Et il n'y a pas de distinction entre le fait que ce soit un homme ou une femme. Donc, une seule personne suffit, qu'il soit un homme ou une femme. Dans le hadith, et ça c'est l'avis de la plupart des savants, c'est-à-dire qu'un seul témoin suffit. Et une des sagesses énoncées par les savants, c'est que, ici, en témoignant, il va s'imposer à lui-même une charge, il va s'imposer à lui-même une action. Donc il n'est pas sous la suspicion. De dénaturer la vérité ou autre, ou de prendre le risque de se tromper. Dans le recueil de l'imam Abu Daoud, rahimahullah, Abdullah ibn Omar nous dit « Tara annas ul hilal, fa'akhbartu nabiya sallallahu alayhi wa sallam anni ra'aytu, fa'asama wa amara annas bis siyam. » Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, nous dit « Les gens ont cherché la nouvelle lune. J'ai donc informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam des suites de cela que je l'avais vu. Il a donc jeûné, c'est-à-dire le lendemain, et a ordonné aux gens de jeûner. De ce hadith, les savants ont tiré que c'est une sunna de chercher la nuit, la lune, de chercher la lune, passer 29 jours de Mada de Sha'ban. C'est une sunna. C'est une sunna pour celui qui a la capacité. Une autre faïda, en direct avec notre cours, c'est que Abdullah ibn Omar a vu la nouvelle lune. Il était seul et il a informé le prophète sallam qui a accepté son témoignage et a agi en fonction, en jeûnant et en ordonnant aux gens de jeûner. Ainsi, un seul témoin suffit pour l'entrée du mois. Pour l'entrée du mois. Que ce soit un homme ou une femme, parce qu'il n'y a pas de texte pour ce cas-là qui montre de distinction. Et la base dans la religion, c'est que les femmes sont les consoeurs des hommes. Ainsi, ce qui est affirmé, avéré, comme mérite ou comme responsabilité pour l'homme, c'est la même chose pour la femme, tant qu'il n'y a pas de texte qui vient particulariser ou bien qui vient spécifier une particularité pour l'un des deux. Voici donc pour cette question. Pour finir, la question qui est appelée « Ikhtilaf ul matali'a ». La divergence des phases lunaires, la disparité des phases lunaires. En d'autres termes, إذا رؤي الهلال في بلد هل يلزم على جميع البلدان الصيام أم لا؟ Si dans un pays on aperçoit la nouvelle lune, est-ce que de par cette vision l'ensemble des autres pays ont l'obligation de commencer le jeûne ou non? Ou chaque pays a sa vision? Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit: Takhtalifu matali'u al-hilal bi-ittifaq ahli al-ma'rifati bil-falak. Ibn Taymiyyah nous dit: les phases lunaires sont différentes d'un endroit à un autre sans aucune divergence auprès des astronomes. فَنِ اتَّفَقَتْ لَزِمَ الصَّوْمِ. Dans le cas où ces différents pays ont la même phase lunaire, ils sont sur le même faisceau, alors, ils ont l'obligation de suivre le pays ayant vu la nouvelle lune. وَإِلَّا فَلَا. Et dans le cas contraire, non, ils n'ont pas cette obligation. Et il y a plusieurs preuves à cela. Allah nous dit dans le Coran, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ. Allah nous dit, sur la traduction des sens du verset, celui donc qui témoigne de la nouvelle lune, qu'il le jeûne. Et ceux qui n'ont pas les mêmes, les mêmes phases de la lune, ou fuseaux horaires que les gens de ce pays-là, on ne dit pas d'eux qu'ils ont vu la nouvelle lune, ni réellement, ni qu'ils ont le même jugement. Et Allah a rendu obligatoire le jeûne à ceux qui ont vu ou témoigné de la nouvelle lune, et eux n'ont pas témoigné de la nouvelle lune. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Soumou li ru'yati, jeûnez à sa vision. » Et ceux qui ne sont pas proches d'eux n'ont pas vu. Ni réellement, ni ils ont le jugement d'avoir vu. Troisièmement, dans le recueil de l'imam muslim, Abdullah ibn Abbas nous dit, ou plutôt dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala, Umul Fadl a envoyé Kouraïb au Sham à Muawiyah, radiallahu anhu. Lorsqu'il est revenu à Al-Madinah, à la fin du mois, Abdullah ibn Abbas l'a questionné au sujet de la nouvelle lune. Il lui a dit, Ra'aynahu laylat al-jum'ah. Nous avons vu la nouvelle lune la nuit du vendredi. Faqala Abdullah ibn Abbas, lakinna ra'aynahu laylat al-sabt. Quant à nous, nous l'avons vu la nuit du samedi, c'est-à-dire un jour après. Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw nara. Ainsi, nous ne cesserons. Ainsi, nous ne cesserons de jeûner jusqu'à compléter le mois au 30e jour ou à voir la nouvelle lune. L'homme lui a répondu, Awala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami. Ne vas-tu pas te contenter de la vision de Muawiyah et de son jeûne? Abdullah ibn Abbas lui a répondu, La, non. Hakada amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est ainsi que nous a ordonné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce hadith-là est dans le recueil d'Imam Muslim au chapitre Babu Bayani anna li kulli baladin ru'yatahum. Le chapitre qui montre que chaque pays a sa vision et que si les pays sont éloignés, ils n'ont pas à suivre la vision les uns des autres. Et même avec le qiyas, avec l'analogie, les savants ont montré que ça n'était pas correct de dire que on doit suivre le premier pays l'ayant vu. Pourquoi ? Parce que de la même manière que lorsque c'est le Fajr ici, c'est pas le Fajr partout. Et lorsque c'est le Maghrib là, ça n'est pas le Maghrib partout. Donc tout comme on ne peut pas unir sur la prière et sur le début du jeûne, on ne peut pas unir sur la fin du jeûne, on ne peut pas non plus unir sur l'entrée du mois et la sortie du mois. Sur l'entrée du mois et la sortie du mois. Pour plus de détails, revenez à Al-Mumti', l'explication de Zad de Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il y a aussi la parole d'Ibn Qudama, Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, fil Mughni. Il nous dit, qala ba'duhum, in kana bayna al-buldayn, ou al-baladayn, إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا يختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة لازم أهلهما الصوم برؤية الهلال في إحداهم في إحداهما. ابن قدامة رحمه الله تعالى نجي si les deux pays sont proches et qu'ils ont les mêmes phases lunaires, comme Bagdad et Bassora, alors si l'un des deux voit la nouvelle lune, l'autre devra le suivre dans sa vision. Il aura donc l'obligation de jeûner. Wa in kana baynahuma bu'dun kal Iraq wal Hijaz wal Sham. Dans le cas où les pays sont éloignés, comme l'Irak et l'Hijaz et le Sham étant la région comprenant la Libye, le Liban, la Syrie, et leurs environs. Donc, ces endroits-là sont éloignés les uns des autres. Dans ce cas-là, Ibn Qudama nous dit qu'ils disent qu'ils n'ont pas à se suivre les uns les autres, mais plutôt que chaque pays aura sa propre vision. Chaque pays aura sa propre vision. Demain, Inch'Allah ta'ala, nous étudierons comment agir. Habituellement, c'est une question extrêmement importante à laquelle on est beaucoup confronté, mais cette année, Walhamdulillah ala kulli hal, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Je pense pas que ça sera le cas. C'est la question de celui qui voyage, qui commence à jeûner dans un pays et qui finit dans un autre pays, s'ils n'ont pas commencé en même temps ou ne finissent pas en même temps, comment se comporter. Walhamdulillah rabbil alamin. Tout ce qu'Allah décrète est bien et sage et fait avec science. On demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre d'atteindre le mois de Ramadan. C'est donc aujourd'hui qu'il faut scruter la lune. Si nous voyons la nouvelle lune, demain, cette nuit sera la première nuit de Ramadan. Le Tarawih commence. Et demain, au Fajr, sera le premier jour de Ramadan. Le prophète sallam nous dit « Man lam yubayyit niyata min al-layl fala sawma la ». Un point très important. Si nous voyons la nouvelle lune, il faudra mettre l'intention de jeûner le lendemain matin. Il faudra mettre l'intention de jeûner le lendemain, à l'aube plus précisément. Il faut mettre absolument l'intention avant le Fajr. Donc celui qui met l'intention à partir du Maghrib, ou la nuit ou plus tard, tant qu'il le met avant le Fajr, il n'y a pas de problème, même s'il s'endort après. Donc il faut mettre l'intention avant de rentrer dans le jeûne. À partir du moment où on sait que c'est qu'on est rentré dans la Ramadan. La deuxième chose, c'est qu'il y a une sunna à faire, c'est de se lever avant pour manger. Pour manger quelques dattes ou un peu boire ou ce que vous voulez. Car le prophète sallam nous dit "Tasahharu fa inna fi sahuri baraka." Mangez le repas de la fin de la nuit car il y a dans cela une bénédiction. Donc voici des points importants. Et concernant la prière, dans l'état actuel, puisse Allah Azza wa Jal ôter de nous éloigner de nous cette pandémie et ôter de nous cette difficulté. Chacun fera la prière de nuit chez lui, avec sa famille. C'est le mieux. Et dans le cas contraire, chacun aussi peut prier seul. Il priera et les autres suivront. La sunna étant de faire de deux en deux. Il récite Al-Fatiha, puis il ajoute ce qu'Allah lui facilite. Et dans la deuxième raka, pareillement, il le fait de deux en deux. Et lorsqu'il veut clôturer, il fait le witr, une seule raka, ou trois, par exemple. Il faut que ce soit impair. Et il invoque selon ce qu'Allah Azza wa Jalla lui aura facilité. Et cela, on l'expliquera en détail, Inch'Allah, demain également. Dans le cas où la personne ne mémorise pas assez de sourates du Coran et qu'il souhaite réciter plus longuement, il peut prendre le mushaf. Il peut prendre le mushaf et lire le Coran pour allonger sa lecture comme c'est la sunna. Mais il n'est pas recommandé aux autres, eux, de tenir un mushaf dans la main. Car la sunna est de mettre la main droite sur la main gauche. Et ils seront distraits d'actes méritoires s'ils tiennent le livre. Au moment de se prosterner, de s'incliner, ainsi de suite, ça les gênera. Voici quelques conseils. Walhamdulillah, wallahu a'lam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان اللهم بلغنا شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الأبرار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.